Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de qui? On sait que on a fait une entrevue avec M. Rénal Tremblay dernièrement. On sait que Rénal Tremblay a décidé de vendre son commerce au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et évidemment, les joueurs de qui de Dolbeau-Mississini étaient orphelins. Ben, heureusement, il y a un jeune couple de Dolbeau-Mississini qui a décidé de repartir et de bâtir un 6 allées de quai. Et on va parler avec l'une des propriétaires la nouvelle salle de quai de Dolbeau-Mississini, ça s'appelle La Grosse Quai, c'est Julie Boucher. Bon après-midi, Mme Boucher. Bon après-midi. C'était une bonne nouvelle, finalement, ça. À quelque part, il y avait quand même des joueurs de quai à Dolbeau-Mississini, puis avec ce que Renal a décidé de vendre son commerce, ben heureusement que vous êtes arrivés, parce que on parle de quoi, 300 joueurs de quai qui étaient orphelins, à peu près? Environ, là, il y a un bassin de joints peut-être plus important, mais présentement, ceux qui sont actifs, il y a environ 300 joueurs là, de bowling. OK. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez vu, évidemment, avec Renal qui fermait, ça l'a certainement laissé une porte ouverte. C'est ça qui vous a motivé en grande partie, hein? Ben en fait, là, moi, mon chum, il travaillait là pour Renal depuis 5 ou 6 ans. Okay. Il était coureur de boules, donc c'est lui qui travaillait sur la mécanique des machines. Ouais. Puis là, ben, dans le fond, quand que Renal a fermé, ben il a parlé de nous à M. Lamotte, que lui, il nous a approchés, puis on est embarqué dans le projet, puis c'est tellement un beau projet, puis il n'y a pas grand-chose ici à Dolbeau-Mississini là, de sport d'intérieur d'hiver. Ben oui. Donc, c'est important, là. Puis c'est tellement un beau sport, le bowling, que nous, on aime ça, on est des passionnés. Donc, c'est sûr que ça nous fait notre plaisir d'avoir notre propre entreprise de bowling. Ben oui, effectivement. C'est dans l'ancien... c'est où? C'est situé à quel endroit? C'est situé à l'ancien bowling qui avait lieu, là, 27 ans et plus. OK. C'est juste que dans le temps, il y avait 10 allées. Maintenant, nous, on a juste 6 allées. OK. Puis c'est juste des grosses quilles. OK. Donc, c'est ça allait, c'est à peu près comme celle de Missassini auparavant, c'est ça? Là, ça, je pourrais pas te le dire. Je me souviens pas exactement combien il y avait d'allées à Missassini, mais je crois que oui, c'était à peu près 6 allées aussi. OK, là. OK. Qu'est-ce que vous... Donc, j'imagine que la réponse a été positive quand vous avez annoncé ça. Là. Donc, est-ce que vous avez une inscription à date au moment où on se parle d'une 300 environ? Peut-être un peu moins, là. Il y a des ligues qui n'ont pas redécollé. Okay. Mais sinon, là, on a des ligues l'après-midi, le soir. On a même aussi la Maison Norlac qui vient jouer au bowling. On essaye aussi d'aller chercher des groupes scolaires, des groupes, des résidences de personnes âgées. Ouais. On essaye d'inciter aussi là, les nouveaux joueurs, les jeunes et les moins jeunes, à venir jouer au bowling. OK. Donc, comment ça va votre... Évidemment, c'est de la représentation, j'imagine, que vous faites, là, aussi, là, pour vendre ça, là. Oui, c'est ça. Là, présentement, on a seulement une page Facebook. Éventuellement, on va avoir un site Internet. Mais là, présentement, moi, en fait, personnellement, j'ai appelé tous les joueurs que j'avais sur les listes de M. Tremblay. Ouais. Puis, dans le fond, là, on suit beaucoup aussi au bouche à oreille, là, pour... Effectivement, est-ce qu'il va y avoir... C'est sûr que là, il y a la maudite COVID qui est au travers de ça, là. Donc, est-ce que vous allez... vous prévoyez quand même faire des tournois, des grosses activités? C'est quoi que vous allez faire? Oui, je pourrais te dire qu'on a la tête pleine de projets. Okay. On veut faire des tournois, on veut faire des activités. Comme là, pour l'instant, là, il y a le jeudi Party Bowling. Ouais. Que là, ça, c'est pour toute la population. Ils peuvent venir jouer. On fait tirer des petits prix de présence durant la soirée. Là, ça, le jeudi soir, c'est vraiment pour essayer d'avoir une nouvelle clientèle. OK. Est-ce que le pass sanitaire vous a dérangé? Ben c'est sûr que c'est ça dérange, mais malheureusement là on vit avec. Ouais, ok. Mais j'ai quelques joueurs là qui peuvent pas venir jouer à cause qu'ils sont pas vaccinés. Ok. Mais sinon les gens sont très compréhensifs puis ben ouais, c'est pas de votre faute. On n'a pas le choix de suivre. Là. Non non, c'est pas de votre faute, c'est la faute. Non. C'est la faute du gouvernement malheureusement dans ce maudit dossier. Exactement. Donc les gens qui veulent s'inscrire. Mais par contre ça fait bien. C'est pas que ça fait bien, mais on est chanceux de seulement avoir 6 allées. Okay. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de monde, puis on perd pas trop de clientèle non plus parce qu'on peut pas être trop dans le bâtiment en même puis temps. Le masque et tout ça, c'est obligatoire, j'imagine, en juin. Pas en juin. Non. Seulement okay. En se déplaçant dans les aires communes et okay. Comme parce que là, vu que nous, on est situé au deuxième étage, ouais. Ça va prendre le masque pour monter les marches pour rentrer à l'intérieur, mais une fois rendu dans ton allée, ça prend plus de masque. OK. Ben, donc les gens qui veulent s'inscrire, on appelle où et on va où? Ben, ils peuvent aller sur la page Facebook La Grosse Quille. OK. Envoyer un message. Moi, je prends les messages, puis après ça, ben, je rappelle les gens, là, je recontacte les gens. Sinon, il y en a qui peuvent m'appeler directement s'ils me connaissent. Ouais. Sinon, là, d'ici la semaine prochaine, on serait sûr d'avoir un numéro de téléphone là, de l'entreprise. Parce okay. Que là, pour l'instant, c'est seulement mon numéro de téléphone personnel. Parce que là, c'est ouvert, hein? On ouvre ce soir, officieusement, okay. À 7h. OK, OK. À 6h30, à peu près. OK. Ben, Madame Boucher, moi, vous souhaitez la meilleure des chances. Bravo ben, d'avoir... merci beaucoup. Bravo d'avoir remplacé Ronald. Ronald, c'est un pionnier là, de la salle des quais à Dolboum-Sesny. Ça n'a ben oui. Pas de sens que les joueurs de quilles avaient pu de tomber orphelin. Ben, bravo d'avoir récupéré la balle au bon, puis on va avoir le plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup à vous. Bonne Madame journée. Julie Boucher, qui est une des propriétaires du nouveau salon de quilles, La Grosse Quille du secteur de Dolboum.